ça nous coupe dans notre entrain. Deux semaines de repos forcé, on vient à peine de s'échauffer. Des vacances en plein automne, même en gros pull, moi je frissonne. Quand je traverse le cimetière avec des fleurs pour ma grand-mère. En décembre, le vent d'hiver ne me rend pas trop impatient. Me retrouver dans deux semaines et sans travail et sans élève, à m'ennuyer comme un rat mort en attendant que l'année s'achève, en espérant trouver dans mes cadeaux un nouveau boulot. 4 mois par an à buller comme des retraités, 6 semaines au moins à rester loin du turbin. Faut pas abuser des bonnes choses, n'abusons pas des trop longues pauses. À quoi ça sert de s'arrêter? On n'est même pas fatigué. Puis on enchaîne en février, à peine l'année est entamée. On n'arrête pas de s'arrêter, c'est un vrai rythme saccadé. On envahit la montagne, on la capture avec des cordes. À quoi ça sert d'aller là-bas? Moi je sais même pas faire de snowboard. À pas qu'on laboure le jardin à la recherche de petits lapins. Ça prend 10 minutes quasiment, qu'est-ce qu'on va foutre le reste du temps? Attendre gentiment le printemps qui doit se pointer normalement. Et trépigner sur notre banquise, impatient de voir venir la reprise. 4 mois par an à buller comme des retraités, 6 semaines pas moins à rester loin du turbin. Faut pas abuser des bonnes choses, n'abusons pas des trop longues pauses. À quoi ça sert de s'arrêter? On n'est même pas fatigué. Voilà enfin des vraies vacances, des hauts soleils, des qui sentent bon. La crème solaire, le romarin et l'air marin et le melon. Mais 8 semaines à ce rythme-là, c'est inhumain, c'est bien trop long. Vivement la rentrée pour se poser, on commençait à fatiguer. 4 mois par an à buller comme des retraités, 6 semaines pas moins à rester loin du turbin. Faut pas abuser des bonnes choses, n'abusons pas des trop longues pauses. À quoi ça sert de s'arrêter? On n'est même pas fatigué. Fatigué. Fatigué.